Y si qué pasa, si te pones a pensar. Hola. Hola, hola, hola. Pacheco, se escucha perfecto. Thank you. ¿Vos sos? Esteban. Mangiare? Ti ho fame? Tu pensi che a mangiare sia possibile? À Louise, c'est ça? Je pense à Louise. Oui. Bah, je sais pas, Louise. Ah merde, il a la moto est cassée. Oh yes, I heard. Fédéral. Encore Argentine. Escucha la réunion familiar Pacheca. Okay, maybe give some, but I still hear your noise. Fédéral.